Tout est entendu. Eh bien oui, Nelson, nous sommes en direct. Vas-y. Alors, ouais, bonjour Nelson. Alors, pour commencer l'interview d'un pro du concombre hawaïen. Alors oui, donc le concombre hawaïen est un sport collectif venant des Corées du Sud. Alors oui, donc voilà Nelson. Première interview de Romain Teixeira, champion du monde de concombre anorexique. Ben oui, Jean-Pierre, oui, nous avons notre ami Teixeira, oui, qui est avec nous. Donc, expliquez-nous comment marche cette discipline. Faut-il avoir un poids minimum, une taille, un sexe, Oui, attends, je dirais, c'est comme la pêche, vous voyez. En fait, tout le monde peut y aller, on s'en fout, tant qu'on ramène le poisson, tu vois. Alors, je dirais non, tout le monde peut y aller. D'accord. D'accord, merci. C'était Teixeira pour le studio de France Télévisions. On se retrouve sur France 2 avant la pub parce qu'on fait le transfert entre France 3 et France 4 et France 5. Donc on se retrouve juste après. Nelson, parlons quand même du sport collectif, le concombre anorexique hawaïen. Donc oui, nous n'en savons pas plus sur ce sport magique. Donc monsieur monsieur Romain Teixeira. Pardonnez-moi. Allez-y. Mais ce que vous voulez savoir vraiment, c'est qu'est-ce ? Parce que, vous voyez ? Oui, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, c'est la taille qui compte dans cette discipline. Vous voyez ? J'ai rien d'autre à dire. Rien du tout. J'ai tout fait foirer, mais voilà, je ne dirai pas plus sur le concombre.